Venez là-bas. Les chevaux, là, est-ce que vous aimez ça? J'adore les chevaux. Mais est-ce que vous aimez les chevaux tellement que vous pourriez, par exemple, manger un bon steak de cheval? Jamais. Pourquoi? Avez-vous déjà vu un chauffeur de taxi manger son char? Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain, je m'approche d'elle. Je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi s'il vous plaît, oui, votre main. Et nous suivrons ce beau chemin. Elle me dit, cher cowboy, je voudrais être une cagoule pour vous suivre à cheval dans les chemins. Moi, je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille et j'aime m'entendre chanter vos refrains. J'écoute les chansons des plaines, ce sont celles-là que mon cœur aime et j'entends de très loin vos mélodies chanter pour chasser mes ennuis. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain, je m'approche d'elle. Je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi s'il vous plaît, puis votre main. Et nous suivrons ce beau chemin.